commence par où? Je les termine ou pas? J'ai RDV avec mon gourou. Trafic de sub dans les logos du check. Arrache ta mère comme au feu rouge. Bref, on s'arrête sur un deux roues. Je vais les marquer comme au fer rouge. Chez toi toujours, on s'arrête pas. Les petits fils de pute, chez nous, on n'écoute pas. De midi à minuit, à Scarpé, on raté la rue, je connais, moi j'ai grandi dedans. Le temps c'est du papier, le temps c'est du papier. Dorénavant, je fais du trafic dedans. La maison, on contrôle, c'est normal. Nous, on casse des gueules juste pour casser des barres. Maintenant, j'ai plus le temps d'allumer. J'appelle un petit peu, un flingue et je passe les 5 barres. Ya, touchdown, hopla, hopla. Maintenant nous on nique des putes, je vous laisse niquer la concurrence. Ça y est, j'ai signé, j'ai les euros dans mon compte courant. Pipi pipi pourra, le premier qui vient il va courir. Je veux traîner avec nous, allez casse ta mère, t'as aucun courage. J'suis à Dakar, j'suis en claquette. Malaki vient de se faire plaquer. Si le rap ne marche pas, je repique, grave des plaquettes. A vrai dire, à vrai dire, à vrai dire. Des vrais durs, des vrais durs, des vrais durs. Les euros, la bagarre. 1,80€, welcome to jungle. Et numéro 1, on me dit. Ferme ta le gueule, apprécie le mango. Et numéro 1, t'as bien vu. Fais pas le gogo, là au bédoli gogo. Madrin, les briques, ils font mes bacs. Trafic, elle déjoue la guitare. RRK, on fait le piano. Mauvais comportement, auprès du très haut. Les rochers du blé, je me suis lavé. J'suis dans le carré vif, au fond avec la paix. J'ai suel. Comportement. Bibi, tous les jours. Chez nous il pleut des balles. Bah, je prends une douche. Je compte mes euros. Ma mère va bien, n'est plus malheureuse. J'suis en showcase dans une boîte. Ma sécurité fait louvreuse. La Guinée des Guinées. Oh le gamin il est jaloux. Il a tous les mots de passe, il a même son code pin. Imbécile, inconscient, menteur. Arrêtez donc de faire les provocateurs. Contrat sur toi dans 24 heures. Si on t'attrape tu vas faire du bon conneur. Ma chérie ne prend pas de warash. Mais comment tu veux la combler? Avec ton zizi de nawash. Kardashian vient de me follow. Beyoncé doit me rappeler. Rihanna veut que je vienne, mais j'ai pas le temps. Elle a ses glorées, elle a ses glorées. Les gros chiens du blé, je me suis lavé. J'suis dans le carré vif, au fond avec la paix. J'ai suel. Pour la compil Bouska Pefra, on est là, on contrôle la Neuzo. Lundi 2 octobre, ma gueule, Charo live dans les bacs. Venez, soyez nombreux, viens chercher, on va te chercher. Bye bye. Bye bye, bye bye, oh bla, oh bla, oh bla, quoi, bla, quoi, ouais, collection, quoi.